Merci Mathieu Garrigou-Lagrange. Seconde émission de notre semaine spéciale de fin d'année, une semaine à cheval entre le présent de la recherche scientifique et le futur, la prospective de ce qui va advenir à moyen ou à long terme. Et pour cette émission de Noël, nous vous invitons à un grand et long voyage. Alors pas vers une autre planète, mais pour nous y installer définitivement. Et pas une exoplanète accueillante aux conditions atmosphériques favorables, non, une planète hostile comme Mars ou Vénus sur laquelle tout est à refaire. Comment rendre habitable un monde aride, désert, trop froid ou trop chaud? Comment aménager un espace qui n'est pas propice à la vie? Serons-nous en mesure de terraformer d'autres mondes? Terraformation, le grand déménagement, c'est le programme de construction qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans cette méthode scientifique de Noël. Et pour évoquer cette question de notre capacité à terraformer des mondes hostiles en nous fondant sur nos connaissances scientifiques actuelles, nous recevons donc tout au long de la semaine des chercheurs, mais aussi des auteurs de science-fiction pour dialoguer ensemble. Alors autour de la table aujourd'hui, quelques voix familières de la méthode scientifique. Familière, c'est presque un euphémisme pour vous, Roland Lehoucq. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien, chercheur au CEA, directeur de la collection Parallax aux éditions du Bélial, qui fait le pont entre la science et la science-fiction. Bonjour Jean-Pierre Bibring. Bonjour. Vous êtes astrophysicien à l'IAS, responsable de nombreux programmes d'exploration spatiale, notamment de la planète Mars. Et bonjour Serge Lehmann. Bonjour. Écrivain, scénariste, auteur récemment du roman graphique L'Homme Gribouillé, c'est aux éditions Delcourt, mais aussi d'anthologies de science-fiction comme Retour sur l'horizon, c'est chez De Noël ou Folio SF en poche. Et puis joyeux Noël évidemment à vous trois, merci d'être avec nous. Et à vous qui nous écoutez, joyeux Noël également. Alors si pour la plupart des scientifiques, j'anticipe un peu votre pessimisme puisque vous allez avoir une heure pour nous dire que la fin de la terraformation c'est totalement impossible et c'est un rêve de science-fiction. Néanmoins, il y a au moins une personne pour qui, à défaut de terraformer véritablement la planète, la vie sur Mars est juste là, au coin de la rue, dans les années à venir, à une probabilité estimée à 70%. Cette personne, c'est Elon Musk, le patron de Tesla, de SpaceX, qui l'affirmait dans une interview, c'était le 26 novembre dernier, sur une chaîne de télé américaine. Écoutez. Quelle est la proportion de chances que vous alliez en personne sur Mars? 70%. On a récemment fait un grand nombre de découvertes dont je suis très fier. Est-ce que ça arrivera de votre vivant? Oui, bien sûr. Je parle de nous installer là-bas, avec un tarif pour le billet fixé autour de 200 000 dollars. Ça pourrait être une issue de secours pour les personnes riches? Non. Sur Mars, la probabilité que vous mouriez est bien plus élevée que sur Terre. Vraiment, la pub invitant à aller sur Mars est comparable à celle qu'avait fait Shackleton pour aller en Antarctique. Ce sera dur, il y aura de grandes chances de mourir à bord de cette boîte lancée dans l'espace lointain. L'atterrissage peut réussir, mais une fois l'atterrissage réussi, il vous faudra travailler sans arrêt pour construire la base. Il n'y aura donc pas beaucoup de temps pour les loisirs. Une fois arrivé à ce point, après tous ces efforts, l'environnement est très dur, donc vous avez de grandes chances de mourir là-bas. Nous pensons que vous pouvez revenir, mais nous ne sommes pas sûrs. Alors, est-ce que ça vous semble toujours être une issue de secours pour les personnes riches? Et pourtant, vous feriez le voyage sans hésiter. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui escaladent des montagnes. Et vous savez pourquoi ces gens gravissent ces montagnes? Parce que beaucoup de monde meurt en escaladant l'Everest. Ils aiment faire ça pour le défi. Voilà, 70% de chances d'aller vivre sur Mars pour Elon Musk. Pas peut-être vraisemblablement autant d'en revenir. Qu'est-ce que ça vous évoque, Roland Lehoucq? C'est une estimation toute personnelle qu'il a, hein, évidemment. Je suis pas très sûr qu'on soit capable d'aller sur Mars. Quand on envoie des humains sur Mars, il faut une décision qui légitime cette possibilité. Et puis, il faut beaucoup d'investissements financiers, humains, de grands efforts. Il faut quelque chose qui soit extraordinairement important pour qu'on puisse déplacer des humains à sur cette planète qui est très hostile, effectivement, par rapport aux conditions terrestres. Jean-Pierre Bibring. Je ne pense pas qu'il parle de terraformation, en vrai dire. Pas du tout, pas encore. Hein. Ce dont il parle, c'est qu'il y aura des équipages qui iront sur Mars pour y travailler. Ça, on peut le concevoir. Je ne pense réellement pas que ça va se faire dans les décennies qui viennent. Mais ce n'est pas de ça dont il est question. envoyer des habitacles où on recrée localement les conditions terrestres pour y vivre, il y a eu des gens sur la Lune et la Lune n'est pas habitable. Simplement, ils ont vécu dans un scaphandre qui localement leur reconstituait les conditions dans lesquelles ils étaient habitués à vivre. Donc ça, c'est concevable. Ça n'a rien à voir avec l'idée d'envoyer des gens pour vivre à la surface de Mars sans autre scaphandre. Ça, c'est une toute autre question. Et dans votre introduction, vous disiez que c'était un rêve. Je ne crois pas que ce soit un rêve du tout. C'est une négation de ce qu'on comprend, de ce qu'est la vie et de ce qu'est notre planète surtout. Serge Lehmann, votre regard d'écrivain sur au moins peut-être cette déclaration d'Elon Musk qui, pour beaucoup de scientifiques, relève effectivement déjà plus de la science-fiction que d'une réalité scientifique établie. Mais je crois que ça ne le gêne pas du tout d'être sur cette frontière-là. Il y a quelques mois, ou une ou deux années, il a fait beaucoup parler de lui en envoyant sa voiture dans l'espace, en reproduisant ce qui était à la fois une couverture d'un pochette d'un disque de David Bowie et une couverture du métal hurlant américain. Et je pense qu'il n'est pas seul dans ce cas, avec les nouvelles fortunes qui se sont construites depuis 20 ou 30 ans dans la technologie. Il y a une partie des gens qui sont à la tête de ces sociétés qui sont d'authentiques fans de science-fiction, et ça fait partie de leur rêve, de leur fantasme de devenir des personnages prométhéens qui emmènent l'humanité dans une nouvelle direction. Moi, je pense que le tri à faire, c'est le tri entre autopromotion et vrai projet. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'Elon Musk annonce oui, ceci arrivera. C'est tout comme, je crois, l'un des anciens patrons de Google X avait expliqué qu'il était probablement le premier homme immortel à être né. Bon, voilà. Donc, rien ne vient étayer ces pronostics. Et je pense que la part de fantasme est très puissante parce qu'elle sert de véhicule à l'entraînement des consciences et des volontés. Il y a beaucoup de gens que ça fait rêver de reprendre la conquête de l'espace sur un mode comme ça, extrêmement puissant, volontaire. Donc il est le porte-voix de ça. La première étape avant la terraformation, alors on va explorer différents scénarios. Il y a des terraformations automatiques en envoyant directement des modules qui commencent à générer de l'atmosphère, par exemple. Mais avant cela, on peut penser que le premier pied dans cette direction-là, c'est une forme de colonisation. C'est envoyer des gens qui vont pouvoir commencer peut-être à s'installer sous des dômes, dans des conditions contraintes pour qu'il le soit de moins en moins. Est-ce qu'aujourd'hui, Roland Lehoucq, le scénario d'une colonisation de Mars, ça relève stricto sensu de la science-fiction, ou est-ce que c'est une perspective scientifique qui peut avoir du sens à moyen ou à long terme ? Alors, colonisation de Mars, c'est-à-dire s'établir en permanence à la surface de Mars, ça suppose quand même deux choses. D'abord, d'être capable d'y aller avec une récurrence, un temps de récurrence raisonnable, parce que les premiers humains qui devraient rester durablement à la surface de Mars, s'ils restent pour une mission puis qu'ils reviennent sur Terre, ils viennent avec ce dont ils ont besoin pour la durée de leur mission, qui peut être de 18 mois à la surface de Mars, un peu plus de deux ans sur le tout compris, le voyage et la mission à la surface de Mars. Mais s'il s'agit de rester en permanence, il faut envoyer régulièrement du matériel, de la nourriture, des choses, parce que la surface de Mars est effectivement extrêmement hostile. La pression atmosphérique est beaucoup, beaucoup plus basse que la pression terrestre, à peu près 160 fois inférieure à la pression terrestre. La température moyenne, c'est moins 60 degrés Celsius. Il n'y a pas de champ magnétique, donc pas de magnétosphère qui vous protège des rayons cosmiques. Il n'y a pas de couche d'ozone pour vous protéger des UV du soleil. Bref, c'est très hostile, la surface. Donc déjà, simplement rester durablement à la surface de Mars, ça présuppose d'avoir toutes les conditions d'habitat et de recyclabilité de tout ce que vous utilisez, plus une récurrence régulière de matériel venant de la Terre ou d'approvisionnement venant de la Terre. Regardez la station spatiale internationale, où ils font des efforts énormes de recyclage. Bon, il y a comme des cargos qui arrivent tous les mois. Jean-Pierre Vibring, à moyen terme, il est totalement inconcevable ou inconsidéré d'imaginer qu'il puisse y avoir des navettes entre la Terre et Mars, des gens qui là-bas vont pouvoir, par exemple, commencer à planter des choses, à faire pousser, à vivre en autonomie sur la planète Mars? Non, c'est pas forcément irréel, c'est-à-dire penser que dans les programmes d'exploration, à un moment donné, on considérera que c'est utile et possible d'envoyer des gens pour compléter ou suppléer aux robots, on peut le concevoir. Mais vous voyez, c'est deux choses un petit peu différentes. Dans les cinq dernières minutes, on a parlé de conquête spatiale, de colonisation, bref, Elon Musk, dans les trois phrases qu'il a prononcées, il y en avait deux sur l'argent. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Il ne s'agit pas de conquérir quoi que ce soit. Il ne s'agit pas d'aller coloniser au sens où, malheureusement, les humains l'ont fait sur Terre. Non, il s'agit de voir si, dans le processus que l'on a mis en place depuis quelques décennies, de comprendre ce que c'est que l'univers, de se comprendre ce que c'est que nos environnements proches, de comprendre l'évolution de la Terre, est-ce que, donc, ce qu'on appelle l'exploration au sens beau du terme, est-ce qu'il y aura nécessité à un moment donné, possibilité d'envoyer des hommes sur Mars? Ce dont je suis convaincu, c'est que, au moins dans les décennies qui viennent, on va continuer avec des robots et que c'est plus qu'il qu'il n'en faut, je dirais, pour essayer de comprendre un certain nombre de choses assez fondamentales, et en particulier cette question assez majeure de savoir si la vie a pu démarrer ailleurs que sur Terre, et on a raison de penser que si c'est le cas, c'est probablement sur Mars. D'ailleurs, il est important aussi de réaliser que depuis peu de temps, on a même identifié les endroits sur Mars qui pourraient en avoir été le témoin, et c'est celle-là qu'on va commencer à explorer. De là à passer à la nécessité d'envoyer des hommes pour compléter cette exploration, il y a vraiment un pas parce que, comme Roland Luc vient de le mentionner, évidemment, c'est extraordinairement compliqué d'envisager ça. Vous savez, pour aller sur Mars, c'est au moins 2 ans. Pour l'instant, même en orbite autour de la Terre, on n'a jamais fait vivre quelqu'un plus d'un an. Pour de bonnes raisons. C'est très compliqué techniquement, c'est très compliqué psychologiquement, et on est très loin d'avoir même imaginé l'ensemble des choses qui devraient être résolues. Les problèmes de l'euthanasie, les problèmes... Enfin, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un problème? Et tant que vous n'avez pas été dans un environnement hostile, vous ne savez pas comment vous allez comporter. Dès qu'on n'a pas été en mer, on ne sait pas si on aura le mal de mer. Quand on n'a pas été dans l'espace hors de la gravité terrestre, on ne sait pas, enfin, on n'est pas hors de la gravité, mais on a gravité, on ne sait pas si on va avoir le mal de mer. Vous savez qu'il y a énormément de gens qui ont le mal de mer dans l'espace, parce qu'on ne peut pas le simuler sur Terre. Et il va y avoir, de cette manière-là, énormément d'autres problèmes qu'un vol vers Mars va révéler, et on est très loin de les avoir réglés. Par exemple, l'homme a besoin d'eau, on ne va pas amener pour un équipage toute l'eau qu'il faut pour 2 ans, ce qui veut dire qu'il faut recycler l'eau, et quand on dit recycler l'eau, c'est recycler l'urine. Il y a beaucoup de tests qui se font en station orbitale autour de la Terre. On sait qu'au bout d'un moment, les gens ne le supportent plus. Voilà le genre de choses qui sont... Et on ne sait d'ailleurs pas tout simplement faire vivre un équipage limité de 6-8 personnes en mode confiné pendant plus que quelques mois. Il y en a le problème en Antarctique, on a le problème dans les sous-marins. Sauf qu'en Antarctique et dans les sous-marins, au bout de quelques mois, on peut remonter. Là-bas, on ne peut pas remonter. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc voilà, il y a tellement de choses qui ne sont pas réglées que je pense que les gens qui postulent que, même du point de vue de l'exploration, on réglera ces problèmes dans un avenir de 2 ou 3 décennies, je pense qu'ils prêvent, non pas leur rêve, parce que je suis convaincu qu'ils en sont conscients, mais ils prêvent leur appétit de retour sur investissement pour la réalité. Alors sur la question de se dire que se passe-t-il quand on est, si jamais on arrive à aller là-bas et qu'effectivement on se retrouve isolé, coupé de tout contact avec la Terre, la science-fiction a apporté des réponses à cette question-là, notamment le roman d'Andy Weir, adapté récemment au cinéma par Ridley Scott, Seul sur Mars. Qu'est-ce qui se passe quand on est tout seul et qu'il faut bien manger? C'est la scène dite des pommes de terre. Right. Let's do the math. Our service mission here was supposed to last 31 souls. For redundancy, they sent 68 souls worth of food. That's for 6 people. On va calculer un peu. Notre mission en surface était censée durer 31 sols. Par sécurité, ils ont envoyé 68 sols de vivres et c'était pour 6 personnes. En ne comptant que moi, j'ai de quoi tenir 300 sols que je dois pouvoir allonger à 400 en me rationnant. Donc, il faut que je trouve le moyen de cultiver assez de nourriture pour 3 ans. Sur une planète où rien ne pousse. Par chance, je suis botaniste. Mars finira par avoir peur de mes pouvoirs de botaniste. Ça fait 48 sols que j'ai planté mes patates. Alors il est temps maintenant de récolter et de replanter. Elles ont encore mieux poussé que prévu. Je possède actuellement 400 plants de patates saines. Je les ai déterrés en prenant garde de ne pas abîmer les plants. Les plus petites, je les replanterai. Les plus grosses iront dans mon garde-manger. Des pommes de terre martiennes naturelles, 100% bio. Ça se trouve pas dans tous les supermarchés. Ça ne se trouve certes pas dans tous les supermarchés. C'était Seul sur Mars, la version d'adaptation de Ridley Scott du roman d'Andy Weir, La patate martienne, Serge Lehmann. On est à cheval. Ce roman, ce film se veut un peu ce qu'on appelle science-based, c'est-à-dire un peu fondé sur de la réalité scientifique. On a fait des tests plantation de graines dans des substrats martiens. Aujourd'hui, ça veut dire qu'on peut commencer tout de même à se projeter, en tout cas à imaginer que la survie est possible, peut commencer. Pour le coup, c'est aux scientifiques de répondre à cette question. Mais moi, ce qui m'a frappé dans cette scène, et d'ailleurs dans ce film en général, c'est que le plaisir fourni par cette scène est exactement le même que celui qu'on a quand on lit dans Robinson Crusoe, que Robinson trouve la malle avec tout ce dont il va avoir besoin pour survivre. Ou dans L'île mystérieuse, quand on reconstruit une civilisation industrielle à partir d'un collier de chien, parce que c'est la lame de métal originelle qui sert à tout faire. Bon. Et je crois que c'est exactement le même plaisir là. C'est une Robinsonade, en fait, cette histoire. Donc, est-ce que la culture des pommes de terre sur litière d'excréments, puisque c'est de ça dont il s'agit. De ça dont il s'agit. dans un milieu confiné, aérobie, etc. C'est très bien. Est-ce que c'est possible? J'en sais rien. Mais on a toujours comment dire, la charge fantasmatique de ce thème du naufragé qui se débrouille par ses seuls moyens et son astuce, c'est une chose qui est très présente dans la science-fiction depuis l'origine. Un mot, Roland Luc. Avec les sciences, c'est-à-dire que là, on voit que les sciences, alors la botanique, let's do the math, faisons les calculs, les sciences en général sont une condition nécessaire de la survie du personnage. Donc il est absolument important qu'il soit bon en sciences pour survivre. S'il n'est pas bon en sciences, il est mort d'avance. Et on le voit pareil dans les mystérieuses. S'ils arrivent à survivre, parce qu'ils sont astucieux, ils se débrouillent, ils sont malins. Ils connaissent la chimie, ils connaissent les sciences. Voilà. Donc là, il y a l'idée quand même que peut-être les sciences créent des problèmes, mais les sciences, c'est pas l'absence de sciences qui les résoudra. Les enfants, si vous nous écoutez ce jour de Noël, faites des sciences, vous survivrez peut-être sur Mars. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et pour cette émission du jour de Noël, nous parlons de terraformation tout au long de cette heure, puisque c'est une semaine où nous tentons de faire le pas entre la recherche scientifique, la projection, l'anticipation avec des scientifiques et des auteurs. Aujourd'hui, Roland Lehoucq, Jean-Pierre Bibring et Serge Lemal pour parler de cette question de la terraformation que nous venons que d'effleurer. Alors peut-être pour rentrer un peu dans le dur de ce sujet, l'idée de transformer en terre habitable une planète qui ne l'est pas, c'est une vieille lubie de la science-fiction, Serge Lemal, ça fait longtemps que cette idée-là a surgi. Alors en fait, on va donner un point de détail, mais il est intéressant et folklorique. C'est le mot lui-même a été inventé en 1942 par un auteur très vénérable, Jack Williamson, qui avait comme caractéristique d'être né en 1908 et d'avoir commencé à écrire, c'était un fils de fermier, je crois, d'avoir commencé à écrire de la science-fiction avant que le mot science-fiction soit inventé, en 1927-28. Et il est mort en 2006, et il écrivait encore de la science-fiction. Donc c'est quand même, c'est une sorte de Jules Verne américain. Évidemment, en France, personne ne le connaît, à part les amateurs de science-fiction qui se souviennent des débuts du genre. Mais c'est très beau qu'un auteur aussi ancien ait été l'inventeur ou en tout cas le créateur du mot. Du mot terraforming. Voilà, exactement. Voilà, terraformation. Donc. Après, les premiers, à mon avis, le thème prend son origine dans l'imaginaire géographico-physique de la fin du 19e, en fait, qui va aussi bien avec Jules Verne que la construction du canal de Suez, c'est le moment où les techniques d'ingénierie et les moyens qu'on déploie commencent à remodeler visiblement la face de la Terre. Et je trouve qu'on a une trace fossile de ce thème dans son inversion en le projetant sur Mars. Je m'explique, à la fin du 19e, il y a la fameuse histoire de Schiaparelli et des canaux observés, qu'on n'a jamais trouvés. Des canaux martiens, oui. Voilà. Mais ces canaux, quand ils sont mis en forme par la fiction et par les réflexions des astronomes de l'époque, montre que le concept d'une planète travaillée à l'échelle continentale pour répondre aux besoins des habitants, en l'occurrence pour les martiens hypothétiques, c'était drainer l'eau des pôles jusqu'à l'équateur qui était sec, relève d'une sorte de terraformation martienne avant l'heure. Bon. Donc le concept était en fait déjà plus ou moins circulé, l'idée de transformer les mondes pour les rendre habitables, mais il a pris son essor d'abord avec la formulation de Jack Williamson, et il est vraiment devenu majeur avec le retour à l'avant-plan de la technique spatiale dans les années 80. C'est quand on a eu les premières grandes images de voyageurs, etc., que d'un seul coup, la science-fiction s'est réintéressée massivement à l'espace, qu'elle avait un peu déserté pendant une vingtaine d'années, et à l'espace scientifique attesté, c'est-à-dire non plus fantasmatique, mais en essayant de prendre les données astrophysiques disponibles. Voilà. Roland Luc, on oublie vite que pendant très longtemps, jusqu'à assez tard, on se demande, même les scientifiques se demandent si Mars n'est pas habité, ça dure assez longtemps, jusqu'au début du XXe siècle. Avec les canaux, l'essor des canaux quand même est assez emblématique, parce que s'il y avait des traces aussi grandes, aussi, semble-t-il, artificielles, que ces grandes structures, eh bien, il fallait bien qu'elles aient été construites par quelqu'un et on n'imaginait pas qu'elles aient été construites. Comme on voyait, Schiaparelli disait qu'on les voyait à l'œil nu, chose qui était confirmée par quelques astronomes de l'époque, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est une hallucination collective. En fait. Les canaux visibles à l'œil nu de la Terre, ça veut dire qu'ils sont absolument colossaux. Donc on parle d'ouvrages qui font plusieurs dizaines de kilomètres de large, enfin des choses incroyables. Le canal de Suez, quoi. Enfin, exactement. Le canal de Suez. C'est arrivé aussi la terraformation, elle a eu un peu aussi son elle est née dans la science-fiction, le mot est né dans la science-fiction, mais l'astrophysicien et grand vulgarisateur Carl Sagan, dans les années 60, 61, il a commencé à se poser la question de cette possibilité de transformer les conditions à la surface d'une planète. Lui, il considérait plutôt Vénus, qui a des conditions aussi tout à fait différentes de la Terre. Une pression atmosphérique qui est plutôt 90 fois supérieure à celle de la Terre. Une température moyenne qui est 450 degrés Celsius. Donc, c'est vraiment pas un monde facile à vivre pour nous. Et ce qu'on peut essayer de transformer ça, il y a déjà une atmosphère, est-ce qu'on peut pas la modifier pour que ça devienne une jumelle de la Terre, comme on le disait souvent. Enfin, moi, quand j'étais petit, on disait Vénus, la jumelle de la Terre, parce qu'elle a à peu près la même taille. Mais elle a des conditions de surface très différentes. Mmh. Et puis il y a surtout la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson qui va fixer. Oui. Mais... peut-être vous pouvez nous en dire un mot, Roland. Oui, alors dans cette trilogie martienne, Kim Stanley Robinson met en scène la terraformation, la transformation de Mars. Trilogie Mars la rouge, Mars la bleue, Mars la verte. Mars la rouge, c'est le départ. Mars la bleue, il commence à y avoir de l'eau liquide à sa surface. Mars la verte, il y a une végétation, ça ressemble à la Terre. Et donc, il met en scène, alors avec les deux aspects qui sont là du coup très intéressants, la partie purement technique, c'est-à-dire comment font les humains pour terraformer Mars, transformer Mars, mais aussi sur les luttes intestines qu'il y a sur Mars, et entre humains et martiens, entre humains de Mars et humains de la Terre, et puis entre martiens, entre humains de Mars, entre eux, est-ce qu'il faut faire ça? Comment on doit le faire? Est-ce que c'est raisonnable? Donc, il y a un conflit éthique très important, et ça, c'est vraiment fondamental. Ça n'est pas simplement une manière de rêve d'ingénieur, avec quelque chose de pensable, comme disait tout à l'heure Jean-Pierre Bibring, c'est-à-dire, c'est pas en dehors du champ de la pensée, mais ça reste compliqué. Mais il y a les conséquences éthiques, politiques et humaines. Et on va revenir hein, tout à l'heure sur la partie éthique de ce que signifierait une terraformation, comme vous l'avez un peu initié tout à l'heure, Jean-Pierre Bibring. Un mot peut-être sur justement la façon dont ce concept est récupéré par les scientifiques à partir de Sagan dans les années 60. Oui, je dirais pas qu'il a été récupéré, de mon point de vue en tout cas. Carl Sagan, brillant physicien évidemment, comme toutes les personnes dont on a parlé, il se situe dans une époque qui est, de mon point de vue, la fin d'une époque dans laquelle on n'est plus. Il y a une véritable révolution qui s'opère actuellement, qui change des paradigmes réellement fondamentaux. Mais pendant quelque part des siècles, en fait, le paradigme dominant, qui était non pas basé, je dis un paradigme, parce que c'était vraiment basé sur un dogme, mais pas sur une observation scientifique. Rien ne disait, et encore aujourd'hui à peu près, qu'il y a de la vie ailleurs, de même que rien ne dit qu'il n'y en a pas. La question de savoir s'il y a de la vie ailleurs ne relève pas d'une approche scientifique. Ce n'est pas une observation qui nous le dit. C'est un mode de pensée qui, dans nos sociétés, était basé, il y a eu des révolutions comme ça, on a parlé bien sûr de Copernic et de Giordano Bruno, mais la question de savoir s'il y a de la vie ailleurs, s'il y a de la pluralité des mondes, comme le disaient déjà beaucoup de nos ancêtres. Non mais justement, on dit toujours Fontenelle, certes, mais il y a eu avant Fontenelle, Giordano Bruno et d'autres, oui, qui ont amené des choses qui étaient dites bien avant, parce que c'est dans l'Antiquité, plusieurs siècles avant même notre ère. Ça a été repris pour des raisons qu'on pourrait discuter ici, mais c'est pas forcément le plus important. Cette idée de la pluralité des mondes a été amenée au XVIIe siècle contre, en fait, un millénaire et demi de monothéisme qui a imposé que la Terre était unique. Et l'idée était qu'il y a des terres partout parce qu'il y a des soleils partout, l'idée de Giordano Bruno. Et donc, nécessairement, s'il y a des terres partout, il y a aussi ce qu'elles portent, c'est-à-dire de la vie. Donc, il y a de la vie partout. Et on a effectivement, pendant des décennies et peut-être des siècles, en fait, démontré qu'effectivement, à toute échelle dans l'univers, les mêmes lois opèrent. Et donc, comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, eh bien, il y a nécessairement d'autres terres ailleurs. Et encore aujourd'hui, beaucoup de scientifiques même pensent qu'il y a forcément des terres ailleurs. Mais il y a eu quelque chose de tout à fait... Et quand Sagan dit qu'il y a éventuellement de la vie ailleurs, c'est intimement parce que s'il y a de la vie ailleurs, il y en a dans notre système. Et dans notre système, quel est le monde le plus favorable, le plus propice? C'est Mars. Pourquoi? Parce que Mars est rouge, donc il a été oxydé. S'il a été oxydé, c'est qu'il y a de l'eau liquide, etc. Et ce qu'on disait à propos de Schiaparelli revient à ça. Schiaparelli n'a pas vu de canaux. Il a vu sur une image de son télescope des traînées. Mais le mode de pensée dans lequel il était fait que l'interprétation qu'il a eue de ça le ramenait à ce dogme pesant. Mais depuis quelques décennies, on a l'exploration spatiale. Et l'exploration spatiale est en train de changer totalement notre vision des choses en démontrant que précisément la Terre est différente de Mars, qui elle-même est différente des autres. C'est-à-dire que ce qui est le nouveau paradigme, c'est pas la pluralité des mondes, c'est la diversité des mondes. Et ce qu'on essaie de comprendre maintenant, c'est comment, à partir de l'effondrement d'un nuage qui a donné naissance à une étoile centrale et à des planètes, on a pu avoir des chemins d'évolution tellement différents. Et lorsque l'on passe par là, on s'aperçoit qu'en fait, cette évolution est parfaitement contingente, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle le hasard quelque part, mais qui est essentiellement la manière dont l'environnement d'une évolution a bénéficié, qui a fait que la Terre est devenue la Terre. Et si la Terre est devenue la Terre, c'est avec tout ce qu'elle porte aussi et le vivant lui-même. Et aujourd'hui, quand on dit qu'on pourrait recréer ailleurs les conditions terrestres, c'est une négation de l'idée qu'on se fait maintenant de ce qui a mené la Terre à être ce qu'elle est. La Terre est la Terre parce qu'il y a une radioactivité interne qui a fait qu'on a une tectonique avec 10 plaques plutôt qu'une ou 1000, etc. Et c'est tout ça qui se retrouve. Voilà. Et c'est tout ça qui se retrouve dans le fait qu'en particulier, des structures vivantes ont pu apparaître et s'adapter, etc. Si on croit au darwinisme, on est adapté à notre environnement. Si l'environnement est différent, ben, il n'y aura pas de vie ailleurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le fantasme, puisqu'on parle de fantasme, d'une ingénierie suffisamment avancée pour pouvoir recréer un environnement habitable pour la vie au sens le plus large du terme, pas forcément pour l'être humain, mais un environnement habitable à partir d'une planète qui a pu, comme Mars, abriter la vie, c'est-à-dire retrouver, faire en quelque sorte régresser Mars à des conditions hantées dans lesquelles la vie était possible, c'est totalement fantasmatique, inimaginable, on n'aura jamais les moyens, c'est une sorte de paradoxe ontologique entre guillemets. Alors, je pense que dans la terraformation, il n'y a pas l'idée de faire apparaître la vie spontanément sur Mars. Il y a l'idée de transformer ces conditions de surface de sorte que la vie terrestre, éventuellement modifiée génétiquement pour l'adapter à la marge, soit capable de survivre à la surface de Mars. Donc c'est modifier les conditions martiennes pour que des humains terrestres ou de la vie terrestre en général puissent survivre correctement à la surface de Mars. Donc là, il y a deux questions. Il y a est-ce que la vie peut réapparaître ailleurs dans l'univers ? C'est une première question dont a parlé Jean-Pierre. Et la deuxième question, c'est est-ce que nous, on pourrait se téléporter ailleurs, se téléporter, se déplacer, se téléporter, ça va pas le grand déménagement, ouais, c'est le titre de l'émission. Se déplacer, alors, soit sur Mars, si on arrive à modifier ces conditions, ou alors à importer dans des petits volumes, des habitats, les conditions qui sont propices à la survie humaine à la surface d'une planète dont les conditions sont a priori hostiles, ou le rêve ultime, d'autres planètes lointaines, des exoplanètes, dont on te dit, ah, celle-là, elle ressemble beaucoup à la Terre, elle est tellurique, elle a la même masse, la même gravité, une atmosphère voisine, rien ne nous dit quelle est la vie à sa surface, est-ce que nous pourrions y aller et l'habiter ? Il y a des complexités supplémentaires, parce que là, si on parle de voyage interstellaire, et plus de voyage interplanétaire, donc c'est encore une couche de difficultés supplémentaires, mais voilà, là, c'est l'idée d'importer la vie de la Terre dans un autre endroit, éventuellement modifiant les conditions de cet endroit. Serge Lehmann, peut-être un mot pour dire ce fantasme de la colonisation, de la terraformation. Vous l'avez dit, c'est noté historiquement, même politiquement, à une certaine époque de la littérature, à une époque où on se projette, où on va coloniser d'autres continents, où on a les moyens militaires, industriels pour redévelopper une civilisation sur un endroit où elle n'est pas implantée originellement. Mais je pense qu'on a raison de parler de changement de paradigme parce qu'on le lit là aussi. Moi, je crois que si le thème de la terraformation est resté très exotique, y compris dans la science-fiction, jusqu'à il y a peu de temps en fait, jusqu'à il y a 30 ans à peu près, avant on n'en parlait pratiquement pas, c'est sous l'effet donc du retour de l'exploration scientifique du système solaire dans les années 80. Mais je crois aussi que si le thème a une actualité assez aiguë aujourd'hui, ça tient au fait que, comme on a tous maintenant conscience de vivre une crise écologique, l'idée de la planète de rechange commence à faire son chemin. Et donc la question de la colonisation, vous aviez raison de Jean-Pierre Didrine de souligner le caractère militaire du terme et tout ce qu'il embarque comme imaginaire désagréable, exploration est bien meilleure, mais l'idée d'un établissement permanent, c'est aussi l'idée que si on arrive à faire vivre quelques centaines de personnes dans une base sur Mars, on a une planète de rechange, c'est plus qu'une question d'échelle après, vous voyez, au moins dans le fantasme. Donc je crois que c'est pour ça que le thème aujourd'hui est particulièrement souligné par l'actualité. Jean-Pierre Bibring. Oui, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est la raison que l'on pourrait avoir d'aller ailleurs, qui est une raison, je crois, qu'une raison qu'il faut combattre, parce que c'est assez facile de démontrer que la vie, et surtout la vie de l'homme, n'a de sens que sur la planète dans laquelle il s'est adapté, c'est-à-dire la Terre, et qu'il n'y a pas d'échappatoire à ça, et qu'il faut tout faire pour préserver la Terre et non pas essayer de chercher un autre endroit. Je voudrais revenir justement sur quelque chose qui me... On parle d'habitabilité, on dit un monde habitable. Mais je crois que ça aussi, c'est un terme un peu ancestral quelque part. Qu'est-ce que ça veut dire un monde habitable ? Pendant très longtemps, il y a eu cette idée que la vie sur Terre est née dans l'eau et donc que l'eau est nécessaire à la vie, est suffisante. Dès qu'il y a de l'eau, il y a de la vie. Et ce qu'on disait à propos de Schiaparelli, d'ailleurs, c'est ça. On essaie toujours de lier l'habitabilité à l'existence d'eau à l'état liquide. Mais je pense que même cela, ce n'est pas juste. Si vous avez un aquarium de l'eau propre, vous mettez un poisson dedans, il meurt. Si vous mettez de la viande dans de l'eau, elle ne reste pas de la viande très longtemps. L'eau en tant que telle n'est pas un critère seul de vie et de viabilité. L'habitabilité, c'est tout à fait autre chose. Et je ne crois pas qu'on puisse facilement définir, d'ailleurs, et dans le métier dans lequel je suis, on essaye de savoir si, en particulier sur Mars, il a pu y avoir l'ébauche de structures vivantes. On travaille beaucoup sur cette question-là. Un monde qui serait habitable sans être habité, c'est qu'il manquait quelque chose. S'il manque quelque chose, c'est qu'il n'était pas habitable. Donc je pense que c'est difficile de parler d'habitabilité. Et quand on dit on pourrait recréer sur Mars des conditions d'habitabilité, il y a deux problèmes. Est-ce qu'on veut simplement recréer les conditions pour que l'eau soit stable et l'état liquide? Même ça, on sait bien que ça n'a pas de sens. Mais quand bien même on le ferait, quand bien même on serait capable d'augmenter la pression atmosphérique pour que la glace passe à l'état liquide d'eau, ça ne suffirait pas. La Terre a été habitable une fois, au moins, puisqu'on est là. C'était il y a très longtemps, 4,3, 4,4 milliards d'années, beaucoup plus que ce que les gens disent avec 3,7. On ne sait pas quelles étaient les conditions de la Terre à ce moment-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la Terre n'est pas forcément habitable dans ce sens. Si aujourd'hui, on avait des bouts de comètes qui tombent, et d'ailleurs, il y en a 20 000 tonnes par an, qui tombent dans les océans, on n'a pas de bactéries qui surgissent d'un coup. Parce qu'on n'a pas la bonne température, on n'a pas la bonne acidité, on n'a pas les bons cations. Bref, il y a tout un ensemble de facteurs qui existaient sur Terre il y a longtemps, qui n'ont aucune raison d'exister aujourd'hui et exister ailleurs. Donc, même sur cette question de habitabilité, recréer les conditions, je pense qu'on est loin même de maîtriser ce qu'il faudrait pour que la vie puisse émerger, voire simplement s'y adapter. Alors justement, on va faire, puisque c'est le principe de cette émission, un peu de jeu de l'esprit, de politesse de l'esprit, comme aime à le dire mon camarade Étienne Klein. En l'occurrence, la science-fiction s'y emploie souvent. Qui dit recréer des conditions d'habitabilité sur Mars dit, vous l'avez cité, de l'eau liquide, une atmosphère, un champ magnétique certainement. Et puis, bon, mais tant qu'il n'y a pas d'oxygène, on ne peut pas respirer. Et c'est exactement ce dont il est question dans la nouvelle de Philip K. Dick, Souvenir à vendre, qui a été réadaptée au cinéma par Paul Verhoeven dans le film que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Total Recall. Tout ça est un immense réacteur fait de turbinium. Cohagen sait qu'il fabrique de l'air. Il ne le mettra pas en route, cette ordure. Bien sûr que non. Si Mars avait une atmosphère, il perdrait son pouvoir. Tu vois en bas ? C'est un glacier. Tout le cœur de Mars, c'est de la glace. Le réacteur la fait fondre et ça libère l'oxygène. Bien. Assez pour que tout le monde respire ? Oui. Assez pour toute la planète. Si on le branche à temps. Voilà, une atmosphère, peut-être sur Mars, dans... Total Recall, Serge Lehmann, ça reste encore une question, une volonté en tout cas de remettre quelque chose de l'ordre de la science, de l'ingénierie, de la technique dans ce qui serait une Mars habitable. Oui, enfin dans ce film-là, d'abord Dick n'était pas un auteur qui avait la même connaissance scientifique que moi, c'est-à-dire il lisait des revues de vulgarisation, c'était pas un scientifique. Donc si on est malin c'est et un si bon on point est de départ. Oui, si on est malin et logique, on arrive à utiliser ça correctement, mais c'est pas un matériau profond comme peuvent l'être les romans écrits par des scientifiques dont c'est le métier. Et quant à cette scène sur dans Total Recall, moi elle m'a beaucoup rappelé je crois que la question n'est pas tellement celle de la terraformation, même si l'histoire est spécifiquement liée à la question de l'oxygène respirable qui est rationné et qui fait l'objet d'un chantage en fait par les autorités martiennes. Un chantage de classe. Exactement. Avec les classes populaires qui n'en ont pas assez. Il faut payer son air respirable et on peut toujours tourner la vanne si les gens deviennent trop agressifs. Non, moi ce qui m'a beaucoup frappé dans ce film, c'est qu'il retrouve et il célèbre, comme beaucoup de films de science-fiction américains, la méga technique qui est censée délivrer la performance finale. Donc dans Total Recall, ce sont des réacteurs atmosphériques géants, mais la course de Schwarzenegger dans le film rappelle exactement celle qu'on voit à la fin de Planète Interdite, vieux film des années 50 où on explore une métropole morte construite par des extraterrestres qui ont disparu, et les visions des machines géantes, etc., c'est exactement les mêmes, c'est la même fascination. Donc je crois que la question là dans le film, même s'il est question de terraformer Mars et d'air respirable, elle est moins d'explorer sérieusement la question de la terraformation que d'émerveiller encore une fois avec des machines géantes. Roland Le Houc, la question de la terraformation, elle a été traitée de manière tout à fait au premier degré, sérieuse, si on peut utiliser cet adjectif, par des scientifiques dans une revue Nature Astronomie qui s'est penchée sur ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour terraformer Mars. Alors, il y a plusieurs phases incontournables, on les a citées. Hein. Il faut augmenter la température, c'est-à-dire l'effet de serre, il faut générer une atmosphère et réduire la quantité de rayons de haute énergie qui frappent la surface. Sur chacun de ces trois points, quelle est la possibilités aujourd'hui, quelles sont les capacités techniques que nous avons de mettre en œuvre chacun de ces trois points programmatiques? Pas aucune. Aussi, en tout cas, on peut les imaginer en essayant de chiffrer. Alors là, un raisonnement de physicien, c'est-à-dire voir les ordres de grandeur. Pour créer une atmosphère qui a la bonne pression, est-ce qu'il y a assez de matériaux volatiles solides à la surface de Mars, volatiles, qu'on va rendre gazeux? Bon, ça c'est un premier point. S'il n'y en a pas assez, vous ferez rien. Deuxième point, est-ce que vous avez l'énergie pour faire ça? Il s'agit de rendre gazeux des choses qui sont solides. Ça coûte de l'énergie. Beaucoup, évidemment. On parle de l'échelle, on est à l'échelle d'une planète. Alors, évidemment, à chaque fois qu'on essaie de mettre des nombres là-dedans, on se rend compte que c'est des moyens disproportionnés à ceux dont nous disposons, ou alors qui peuvent mettre en scène une brutalité extrême. Vous faites tomber des noyaux cométaires, de préférence sur les pôles de Mars, comme ça au moins le choc de la collision, et puis le matériel cométaire avec la fonte, ça fera quelque chose que vous espérez... que vous espérez positif, parce qu'évidemment ce genre de collision, ça se fait pas sans conséquence, tout va pas forcément rester sur la planète, vous pouvez noircir les pôles pour qu'ils absorbent plus sur les rayons solaires et espérer les faire fondre, enfin, on peut imaginer des choses, et ça veut dire jouer avec les règles de la physique, mais à chaque fois on obtient des choses qui sont dans des échelles à la fois d'énergie mise en œuvre. Je parle même pas des dollars que ça va coûter. Je parle juste simplement de est-ce que vous avez les moyens en physique, c'est est-ce que vous avez l'énergie pour faire ça. Si vous n'avez pas l'énergie, vous le ferez pas. Donc les échelles d'énergie mises en jeu sont considérables. Et après, il y a les problèmes des échelles de temps. Combien de temps ça prendra pour faire tout ça? Et avec quel résultat prévisible, si tant est qu'on soit capable de prévoir le résultat avec quelques confiances. Jean-Pierre Bibring, sur les moyens à mettre en œuvre, donc qui dépassent l'entendement. On se dit souvent, ou en tout cas la science-fiction nous raconte des histoires de mettre des bactéries extrémophiles qui vont petit à petit processer l'air, le transformer, injecter un peu d'oxygène, manger le dioxyde de carbone, et puis petit à petit se mettre à verdir. Tout ça, c'est vraiment stricto sensu de la science-fiction. Oui, mais pas au sens noble du terme, parce que je pense que la science-fiction n'est pas que négative, comme vous. Non, non seulement je suis d'accord avec Laurent, mais peut-être plus que lui encore. C'est pas seulement un problème de technique. Si sur Mars, il y a pas, l'eau n'est pas stable à état liquide, c'est parce qu'il y a pas assez d'atmosphère. Mais s'il n'y a pas assez d'atmosphère, c'est pas parce que, comme on le pensait jusqu'à il y a très peu de temps, quelques années, l'essentiel a gelé dans le sous-sol et il suffirait de ramener ce qui est dans le sous-sol dans l'atmosphère. Mars a perdu son atmosphère. C'est d'ailleurs des scientifiques européens et même français qui l'ont montré, il y a pas très longtemps, ça fait une dizaine d'années. L'idée n'a pas encore percolé dans toutes les consciences. Mars a perdu très tôt son atmosphère. On peut m'expliquer pourquoi et comment. Ce qui fait que vous n'allez pas la reconstituer. On oublie que, par exemple, si l'eau est liquide à la surface de la Terre, c'est pour un certain nombre de raisons, dont l'une, c'est que notre température le permet. Mais la température à la surface de la Terre, c'est pas sa distance au Soleil qui la gère. On a toujours pensé que c'est le Soleil qui gérait tout. C'est pas ça du tout. Ce qui fait que la Terre a une atmosphère qui permet à l'eau d'être stable et qu'on a des océans, c'est parce qu'on a de la radioactivité dans le manteau suffisamment, on recycle un certain nombre de constituants atmosphériques qui font que des gaz, le gaz carbonique en particulier, est suffisant pour augmenter la température. C'est l'effet de serre qui fait cela. Et l'effet de serre, il n'est pas géré par le Soleil, il est géré par des sources d'énergie qui sont internes à la planète. Sur Mars, tout simplement, vous avez de la radioactivité, mais il y en a 10 fois moins que sur Terre. Il n'y en a pas suffisamment pour recycler suffisamment de gaz pour permettre à l'eau d'être stable à l'état liquide. Et c'est pas un problème technique, c'est un problème d'ingrédients fondamentaux. Et c'est ça qui manque dans, je pense, même peut-être dans la science-fiction, c'est de prendre en compte des réalités qui sont des réalités non pas de manque technologique ou de manque d'ardeur. Non, c'est une réalité liée à l'évolution nette de ce que sont les objets planétaires. Alors, outre la question de la faisabilité, hein, on l'a dit et vous l'avez évoqué l'un et l'autre, et surtout vous tout à l'heure, Jean-Pierre Bibring, terraformer une planète, coloniser une autre planète avec tout la charge que peut porter ce terme de colonisation, ça pose évidemment un certain nombre de questions sur le plan éthique. Bonjour Tom Imnensock. Bonjour Nicolas Martin, bonjour à tous. Vous êtes rendu au CNES pour discuter justement de ces problématiques éthiques quasi néocoloniales liées à la terraformation. Et j'ai retrouvé Jacques Arnoux qui est justement chargé de soulever les questions éthiques que pose la conquête spatiale. Entre exploration, colonisation et terraformation, l'humanité est toujours interrogée dans ce qu'il serait bon ou nécessaire de faire. En s'aventurant sur d'autres planètes, on prend le risque de polluer leur biotope ou encore d'envoyer à la mort les prochains martyrs de l'espace. La question est toujours, faut-il le faire ou non? Et comme souvent, la réponse est, ça dépend. Les premières questions qui se posent dès lors qu'on aborde la question éthique de la terraformation, c'est déjà, l'homme a-t-il le droit de transformer un corps céleste de manière tellement radicale, du point de vue du droit justement, puisqu'il y a question de droit. Il y a un droit spatial. Dès lors qu'un pays reconnaît un traité, il reconnaît aussi ses corps célestes comme un patrimoine commun de l'humanité. Reconnaître qu'un corps céleste est un patrimoine commun à l'humanité, c'est pas tant une appropriation de l'humanité vis-à-vis de ce corps céleste qu'une responsabilité que nous nous reconnaissons à l'égard de ce corps céleste. C'est ça la première posture, et peut-être l'essentiel d'une posture éthique, c'est de se poser cette question-là. Ne serait-ce que d'envisager d'aller coloniser une autre planète en se posant des questions qui peuvent être uniquement techniques, en tout cas au départ, est-ce que ça ne veut pas dire que l'homme part du principe que l'univers lui appartient ? C'est un sentiment relativement récent et qui est lié au fait que nous sommes capables, et seulement depuis à peine 60 ans, d'aller dans l'espace. Jusque-là, nous en rêvions depuis quelques décennies ou quelques siècles, et auparavant, l'être humain n'avait pas du tout la conscience que le ciel, entre guillemets, puisse lui appartenir. Au contraire, le ciel ou le cosmos l'écrasait, et il en avait peur, il voulait s'en protéger, et il n'osait pas imaginer qu'il puisse un jour y aller. Quelle question pose le fait de corrompre éventuellement une vie qui serait différente de la façon dont on la trouve sur notre planète ? Est-ce que de fait, on ne prend pas le risque d'annihiler une biodiversité sur une planète qu'on ne connaît pas, si on y pose le pied ? Dès lors que l'être humain pose le pied, la main, même robotique, sur une autre planète que la Terre, il court le risque de la polluer, de la contaminer. Et si cette planète porte encore ou porte déjà des traces de vie, de tuer ces traces de vie pour, si elles sont plus faibles que la vie terrestre. Enfin, je résume en trois mots ce qu'on appelle de la contamination a priori ou en avant, c'est-à-dire quand nous allons sur une planète et que nous courons le risque de contaminer cette planète. Aujourd'hui donc, nous prenons grand soin de stériliser, puisque jusqu'à présent nous n'envoyons que des robots, donc nous pouvons permettre de les stériliser, ce qu'on ne peut pas faire avec un humain, bien sûr, on le tue. Donc là, on les stérilise pour empêcher ce type de contamination. Si demain, évidemment, nous entreprenions de terraformer un corps céleste, Mars, qui serait là, sans doute la première planète, nous déciderions a priori de ne pas tenir compte des éventuelles formes de vie qui existeraient encore et qui en tout cas sont très discrètes puisque nous ne les avons toujours pas vues. Bon. Là, effectivement, il y a un choix qui relève bien de ce qu'on peut appeler l'éthique. Bon. Mais il y a peut-être des raisons aussi de le faire, parce qu'il y a des moments où si la survie d'une espèce peut nécessiter la disparition d'une autre. Aujourd'hui, nous faisons disparaître des espèces sur Terre en plus grand nombre que toutes celles qu'on a pu découvrir sur Mars, puisqu'on n'a découvert aucune sur Mars. Et nous le faisons sans trop, malheureusement, nous poser de questions. Je ne dis pas que c'est bien, et je ne dis pas que ça justifierait l'avenir. Mais il y a un moment donné où peut-être nous pouvons décider, au nom de la survie de l'espèce humaine, avec tous les si que j'ai posés tout à l'heure, de dire ben, « tant pis pour cela ». Si évidemment, et on est plutôt dans la fiction, nous imaginons des situations où ces populations d'une autre planète soient plus importantes, plus développées, alors là nous entrons dans une problématique qui ressemble plus à celle des cow-boys des Indiens, enfin du Far West. Bon, alors nous savons ce que les humains ont pu faire, ce que nous les humains avons fait dans le passé à l'égard d'autres populations humaines, et ce que nous voulons le faire dans le futur. Là on tombe dans la fiction et je ne sais pas du tout dans quelles conditions ça se poserait. On sait que les premiers projets d'envoyer des hommes dans l'espace risquent de se faire sans retour. Quel risque est-ce qu'on prend en les envoyant faire ça ? Est-ce que c'est moral ? Est-ce que c'est éthique ? Quelles questions est-ce que ça pose ? Alors, il faut essayer d'évaluer les risques encourus en fonction des missions. Lorsque Armstrong et Aldrin sont allés poser le pied sur la Lune, on fêtera ça l'année prochaine, enfin les 50 ans cet acte l'année prochaine, le risque était évalué à une chance sur deux de revenir sain et sauf sur Terre. Et à l'époque, les responsables politiques des États-Unis ont considéré que ce risque méritait d'être couru. Demain, enfin, à quelques décennies près, les premiers humains qui pourraient poser le pied sur Mars courront aussi un risque qui sera évalué. Et je suppose que ça se passera dans les mêmes conditions, c'est-à-dire que dans les conditions futures que je ne connais pas et qu'une personne d'entre nous ne connaît, eh bien, des responsables décideront que, ok, nous y allons. Et les astronautes eux-mêmes décideront d'y aller ou pas. Si d'emblée on dit c'est un aller simple, c'est une colonisation, c'est plus une exploration. Et là, les risques doivent être évalués différemment. L'exigence est que les colons restent vivants le temps qu'ils puissent arriver à développer une structure minimale, une petite colonie. Quand Christophe Colomb se lance pour traverser la première fois l'Atlantique, il veut revenir sain et sauf. Alors, est-ce qu'il est capable d'évaluer les risques ? Non, parce qu'il ne connaît absolument rien d'où il va. Mais quand il repart pour éventuellement laisser des colons sur place. Et donc, on est déjà dans une phase différente. Et c'est la même chose pour l'espace. Il ne faut pas se leurrer. Donc, il faut être très, très clair dans les différentes phases. Si ce n'est pas un colon, mais qu'on est à une phase ultérieure qui est quasiment dire, maintenant, on a un embryon de colonie sur Mars. Sur la Terre, ça va déjà c'est de pire en pire, et on n'en est plus à la phase de la colonisation, mais on est quasiment à se dire, ceux que nous allons envoyer sur Mars, ce sont les survivants. Mars devient la seule issue raisonnable à la survie de l'espèce humaine. Tant pis, on laisse les milliards d'humains sur Terre disparaître. Je suis en train de faire la science-fiction. Et bien là aussi, on va évaluer les risques et donc aussi tout ce que l'on peut apporter comme solution technique pour diminuer les risques d'échec de cette colonie humaine sur Mars en fonction de la situation. Mais voyez bien que dans ce que je suis en train de décrire, les projets sont chaque fois différents. Le projet premier, c'était explorer Mars. Le deuxième, c'était installer une colonie sur Mars. Et le troisième, c'est assurer sur Mars la survie de l'espèce humaine. Chaque fois, les conditions sont totalement différentes. Les risques sont totalement différents. Et donc aussi la manière de gérer ces risques et au final, de dire on y va, on n'y va pas. Voilà les questions éthiques liées à ces problématiques de terraformation, de colonisation. Serge Neyman, est-ce qu'aujourd'hui, vous disiez effectivement, compte tenu aujourd'hui du réchauffement climatique, de l'inquiétude qu'il y a pour la déterraformation que nous sommes en train de faire sur notre propre planète, est-ce que la SF se saisit de ces enjeux éthiques, de savoir faut-il y aller, que faut-il faire, comment nous comporter justement face à une autre planète? Oui, depuis... Sur le problème précis de la terraformation, la trilogie martienne de Robinson a réellement posé les enjeux en termes éthiques. On voit très bien, comme le disait Roland tout à l'heure, dans le troisième tome en particulier, il y a un conflit qui oppose ceux qui sont les tenants d'un respect absolu de la Mars originelle telle qu'elle nous a été donnée. Et d'autres au contraire qui sont très pragmatiques et qui disent puisque nous sommes une planète nous devons devenir une planète habitable, c'est l'essence même du projet. Bon, et il y a un conflit très dur éthique, moral, philosophique qui implique des quantités non scientifiques comme par exemple la beauté qui est très intéressant bon, et qui est parfaitement résumé dans le et posé en fait dans la trilogie. Il y a un aspect qu'on a fait qu'effleurer. C'est aussi que devant les problèmes et où les laps de temps impliqués par la terraformation et l'urgence des problèmes humains, il y a aussi la tentation de faire muter l'homme pour le rendre compatible avec un milieu hostile. C'est-à-dire, à ce moment-là, c'est plus le milieu qu'on transforme, c'est l'homme. On lui apprend à respirer des gaz différents, on lui apprend à résister à des pesanteurs différentes, on modifie son corps. C'est tout aussi fantasmatique puisqu'on n'a pas la technique génétique pour faire ça, si tant est qu'elle soit même possible. Mais ça a servi de réservoir de secours fantasmatique, je dirais, devant les problèmes posés par Roland tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, soit ça demande de l'énergie ou des moyens extraordinaires, soit ça demande 1000 ans ou 2000 ans, donc en aucun cas ça ne peut être une réponse à nos problèmes actuels. L'idée de dire finalement on ne va pas transformer les mondes, on va transformer l'homme pour qu'il s'adapte à des mondes totalement hostiles et différents, a pu servir de soupape de sécurité. Jean-Pierre Bibring. Oui, bon, je connais très mal la science-fiction personnellement, donc je me régale en entendant ce qui se dit aujourd'hui. En réfléchissant, je me dis finalement, ce dont on parle n'a jamais été du domaine de la science-fiction, la terraformation, parce que ça n'a jamais été du domaine de la science. Ou en tout cas, je trouve que maintenant, ce dont on vient de parler, ce dont M. Arnoux vient de parler, c'est de la fiction. Mais ce n'est pas de la science-fiction. Il n'y a pas besoin de mêler la science à cette opération-là. Et je crois que ce qui est en train de se passer avec la terraformation, c'est justement peut-être le basculement de quelque chose qu'on pouvait considérer comme de la science-fiction à un monde de fiction dont la science peut dire qu'il n'a pas de sens. Et je voudrais profiter de ça pour dire justement... pour me relancer sur cette histoire de balancer la terraformation avec ce qui se passe sur Terre et ce qu'on dit l'homme est en train de faire. Qui de déterraformation, c'est-à-dire de rendre inhabitable un environnement qui a été appris. De désanthropisation, oui. Si on veut. Mais je pense qu'il est vrai qu'actuellement, l'homme a une responsabilité forte et peut-être unique et majeure dans ce qui se passe. Mais en même temps que j'ai dit ça, j'ai dit je ne suis pas d'accord avec la formulation que je viens de faire. Ce n'est pas l'homme en tant que tel, parce que si c'était l'homme qui était en train de transformer, la seule solution, c'est de supprimer l'homme. Et le but, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de démontrer que l'homme est néfaste à l'évolution de notre propre biosphère. C'est l'homme dans un certain contexte, c'est un homme social, c'est un certain type de rapport que certaines sociétés ont construit qui fait que notre environnement actuellement n'est pas conditionné simplement par le fait qu'il y a des hommes qui y vivent, mais que l'activité de l'homme qui est conduite par des lois, entre guillemets, parce qu'à mon avis ce ne sont pas des lois, mais des réglementations qui sont en particulier où l'argent et le profit et ont un intérêt immédiat, la notion de marché, fait qu'effectivement, on ne contrôle pas la manière dont on produit de l'énergie, on ne contrôle pas la manière dont on vend de l'eau et de l'air. Et c'est ça le problème majeur. Je suis personnellement convaincu qu'il y a une possibilité pour l'homme de maintenir son existence sur Terre. Et autant il est certain, de mon point de vue, que ça n'a pas de sens physique de transformer un autre environnement, Mars comme n'importe lequel autre, en un environnement dans lequel tout ce que la Terre patiemment a bâti pendant plus de 4 milliards d'années, c'est-à-dire la capacité pour des structures vivantes de s'adapter et d'évoluer pour aboutir à ce que l'homme est, ça n'a pas de sens de le recréer ailleurs. En revanche, ce qui a un sens, c'est de faire en sorte que l'homme, malgré les dépassements sociaux qu'il a été amené à prendre au cours des quelques décennies et siècles qui viennent de se passer, est capable de changer et de créer effectivement des rapports entre les pays, des rapports humains, etc., qui font que, oui, c'est pas par la guerre qu'on réglera les enjeux de ce siècle, et c'est pas par l'extraction de la Terre vers Mars qu'on va les régler. Il faut se convaincre et convaincre chacun d'entre nous qu'il y a des solutions, mais que les solutions, elles sont sur Terre. Et que la terraformation, on peut en parler comme ça, parce que c'est utile de réfléchir à ce qui fait que la vie ne peut pas apparaître ailleurs et que ça n'a pas de sens de transformer Mars dans une planète qui serait semblable à la Terre, simplement parce qu'on commence à comprendre pourquoi la Terre est devenue la Terre. Mais je dirais, c'est déconnecté du fait que, indépendamment de cette compréhension de la raison pour laquelle Mars ne pourra jamais abriter la vie et certainement pas l'homme, il faut, et on est capable de maintenir la Terre comme un objet dans lequel la vie humaine peut se maintenir. Mais ça suppose de prendre la compréhension et la mesure de ce qui est en train de se passer. Il faut que l'homme change sa manière d'être dans les rapports sociaux qu'il a. Et ça, c'est possible. Roland Loup, quand Jean-Pierre Vibring dit finalement la terraformation, c'est de la fiction et pas de la science-fiction, quand on pense à ce qui est en train de se passer sur Terre, on voit qu'il y a aujourd'hui des techniques d'ingénierie, de géo-ingénierie qui sont déployées pour essayer de corriger les effets de l'anthropisation du climat, du dérèglement climatique. Ça veut dire tout de même qu'il y a une base scientifique à des travaux de modification du climat qui peut donner lieu à de la re-terraformation si on veut aujourd'hui réussir à corriger les effets de la civilisation humaine. Alors là, c'est un sujet extrêmement important et pour plein d'aspects. D'abord, effectivement, j'adhère tout à fait à ce que dit Jean-Pierre, ce que vient de dire Jean-Pierre. C'est l'idée quand même de réfléchir à cette question de la terraformation. C'est une façon de comprendre pourquoi ça va être d'abord difficile, pourquoi ça sera même impossible, très probablement, et du coup de comprendre notre système Terre. De réaliser aussi que si finalement il semble, à défaut de pouvoir mettre des humains en liberté à la surface de Mars, il semble pensable techniquement, même très difficile, quasi impossible, de transformer Mars, on est en train de transformer la Terre. Donc c'est le retour, ce passage par la fiction, par la science-fiction, à retour, nous fait comprendre notre système Terre et nous fait réaliser que nous agissons. Nous sommes en train d'agir à l'échelle globale de la Terre. Alors après, une fraction de son atmosphère. Voilà, la sphère de surface, la partie de surface. Je dis la Terre, c'est la biosphère de surface, bien sûr. Et du coup, il y a aussi l'idée que puisqu'on a pu penser des éléments de terraformation, on pourrait re-terraformer la Terre, prendre des mesures de compensation des efforts assez mauvais. Ça s'appelle des pompes à dioxyde de carbone, par exemple. On pourrait faire ça. Là, le point qui est assez intéressant, c'est encore un point qui va être un point éthique. Il y a l'aspect, est-ce qu'on peut le faire techniquement ? Ça, on pourrait discuter. Mais il y a l'aspect éthique, est-ce que c'est pas en train, cette possibilité, est-ce qu'elle n'est pas aussi là pour faire de l'obfuscation sur la réalité de ce qu'il faut faire ? Est-ce que la réponse aux questions environnementales qui se posent est d'ordre plutôt social, comme le propose Jean-Pierre et à laquelle la partie j'adhère tout à fait, ou plutôt technique, on se dit, oh, c'est pas grave, business as usual ? Elon Musk réfléchit pour vous, qui vous voulez réfléchit pour vous, et il va y avoir des ombrelles solaires qui nous protégeront du rayonnement solaire, on va ensemencer les océans avec du fer pour activer le piégeage de carbone par les bactéries photosynthétiques ou les algues photosynthétiques, plein de techniques pensables, mais sont-elles d'abord réalisables, n'auront-elles pas des conséquences secondaires, ça c'est des choses qui sont pas toujours très claires, mais surtout, plus fondamentalement, est-ce que c'est pas un moyen de reculer encore le moment où il faudra agir concrètement et pas techniquement, mais concrètement, socialement, dans l'organisation des humains à la surface de cette planète ? Jean-Pierre Hurie ? Deux mots. Le premier, c'est pour aller dans le sens l'homme ou l'homme social. Vous savez, on parle beaucoup de l'anthropocène en ce moment. C'est une notion très intéressante, quelque part, qui met l'accent sur le fait que l'homme a une responsabilité. Mais en même temps, je suis contre cette idée. Parce que c'est pas l'homme anthropos qui est responsable, c'est pas l'espèce homme qui est responsable, c'est l'espèce homme dans une certaine évolution, encore une fois, sociale, politique, on peut le dire. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut faire attention, c'est pas l'homme en tant que tel. Maintenant, c'était peut-être le... Juste une remarque, il y a un économiste suédois qui a proposé, un philosophe suédois qui a proposé Malm d'appeler capitalocène, parce que c'est... l'homme dans un certain contexte social, comme tu viens de lire. Enfin, l'autre point, le soviétocène était pas mal aussi. Oui, l'évolution et en tout cas de limiter l'anthropocène à la contemporanéité, ne pas le faire remonter comme d'autres, comme certains géologues le précisent. Très précis, qui a agi de manière. Parce qu'il y a certaines propositions qui disent de faire remonter l'anthropocène à l'agriculture, c'est-à-dire de dire la modification de l'être humain de son environnement direct pour se sustenter. Bref, c'est un autre débat. L'autre. Oui, mais fondamental. Mais fondamental. Non, l'autre point que je voulais ajouter à ce que dit Laurent, c'est l'aspect durée, échelle de temps. Vous y avez touché tout à l'heure, et ça, à mon avis, c'est fondamental. Le problème de l'élévation de la température maintenant sur Terre, on le sait bien qu'il y en a déjà eu des comme ça, mais sur des échelles de temps de milliers d'années avec les glaciations. L'homme est en train de produire, par son activité, et encore une fois, l'homme dans un certain contexte social, par son activité, le même type d'évolution, mais à l'échelle maintenant de décennies. Et c'est ça le problème. Le problème n'est pas l'amplitude, c'est la constante de temps. Et c'est ça qui fera qu'on aura peut-être perdu les quelques années qu'on est en train de gâcher à ne pas réfléchir à ça suffisamment et à ne pas proposer des changements fondamentaux. Cette question est tout à fait fondamentale et c'est ça qui explique que la question de savoir si on pourra revenir à une situation même pas forcément équilibrée mais qui va permettre de continuer dans le domaine dans lequel on est d'évolution ou au contraire que ça peut diverger, c'est une question qui se pose à l'échelle de décennies. Et je termine juste par un mot. Il peut y avoir convergence, on peut revenir à l'équilibre, ou on peut au contraire diverger, avoir un phénomène d'entraînement à une boule de neige avec cette histoire d'élévation de température de l'atmosphère. Il y a eu un cas qu'on connaît très bien. Le cas, c'est Vénus. Vénus a eu un effet d'emballement, pour des raisons qu'on peut expliquer. Et au lieu de revenir à l'équilibre, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, la température a tellement enflé qu'il Roland fait... Roland Lehoucq, j'ai dit Laurent. Pardon, Roland. On est à 450 degrés Celsius à l'ombre, et comme on dit, il n'y a même pas d'ombre. Et les métaux fondent en quelques minutes. Donc cette question de savoir si on peut revenir à l'équilibre ou diverger, c'est une question qui est extraordinairement sensible. Et le fameux degré et demi ou des 2 degrés, c'est ça que ça dit. On se demande pourquoi 2 degrés et pas 3, etc. Effectivement. Les derniers relevés sont entre 3 et 5 degrés à la fin du siècle. On sait très bien que si on dépasse un certain seuil, alors d'un système qui peut revenir à l'équilibre, on part vers un système qui ne peut que s'emballer. Et ça, on a quelques dizaines d'années pour s'en apercevoir. Donc je dirais que la terraformation est complètement hors du coup là-dedans. Il ne s'agit pas de savoir si on va envoyer 2, 3 ou 10 personnes sur Mars. On peut ou ne pas le faire. Mais la question qui se pose vraiment pour l'humanité, c'est de rester sur Terre. Et encore une fois, il y en a la possibilité, à condition de changer ce qui fait l'homme social qui a créé ce déséquilibre. Serge Lehmann, pour conclure aujourd'hui, le rôle de la science-fiction, est-ce que c'est précisément un rôle militant, un rôle politique? Est-ce que aujourd'hui, comment la science-fiction appréhende, puisqu'on est passé de la terraformation à la déterraformation ou à l'anthropoformation de la Terre, justement, pour anticiper comme elle a pu le faire à d'autres moments? Mais je crois que la science-fiction, elle est le reflet des conflits d'idées et d'intérêts qui sont à l'œuvre dans le monde contemporain. Par exemple, quand Roland fait la liste tout à l'heure des projets prometteurs, d'ombrelle orbitale qui nous permettrait de filtrer les rayons durs, etc. Ou quand on parle donc de terraformer Mars, on récolte le fruit d'une idéologie qui est le solutionnisme. C'est-à-dire, en gros, oui, nous avons des problèmes, mais il y aura toujours un cap technique qu'on va franchir et qui nous permettra de régler le problème, quitte à en créer un nouveau qu'on réglera plus tard, etc. Elon Musk est tout à fait typique de cette... c'est des gens qui ont quelque chose à vendre. Des biens, des services et aussi une idéologie qui sous-tend tout ça. Il y a un projet derrière. Donc il y a une partie de la science-fiction, en particulier de la science-fiction américaine, qui est beaucoup plus, disons, d'abord beaucoup plus vaste et puis surtout beaucoup plus imprégnée de techno-scientifiques, de techno-sciences que la nôtre, qui vend ça. Et puis à côté de ça, il y a une grande tradition de la SF éthique, que ce soit Ursula Le Guin, dont Kim Stanley Robinson d'ailleurs fait la jonction, puisqu'il est autant scientifique que philosophe sur sa trilogie, qui au contraire dit que les problèmes à régler sont à régler ici et maintenant, qui relèvent pour partie de la politique et de la société, et que c'est pas la peine d'attendre notre salut d'une solution technique qui ne fait qu'effectivement que repousser les réformes internes que nous devons faire. Pour conclure, un dernier mot, Roland Lehoucq, sur une occurrence de la terraformation qui me tient à cœur, parce que c'est un roman que j'aime beaucoup et dont j'ai largement déjà fait la promotion à ce micro. Dans Spin, c'est Mars. C'est les martiens qui vont venir nous sauver. C'est les martiens qui vont venir au secours de la Terre, puisque d'un seul coup, on envoie un peu au hasard quelques colons, et puis comme le temps passe beaucoup, beaucoup plus vite à l'extérieur de la Terre qu'à l'intérieur, et bien d'un seul coup, Mars devient non seulement terraformé, mais abrite une toute nouvelle civilisation avec des gens qui évoluent. Là, c'est un renversement tout à fait spectaculaire, étonnant. C'est une grande idée de Spin de Robert Charles Wilson. Exactement. Et donc oui, mais ça c'est intéressant, c'est que nous serons sauvés par les martiens. finalement, c'est bien. Bah écoutez, c'est un beau mot de conclusion. Merci beaucoup en tout cas tous les trois d'être venus nous parler de ces problèmes liés à la terraformation et puis finalement d'avoir jeté un regard sur ce qui est en train d'advenir sur notre Terre et de ce que nous sommes en train d'en faire. Merci Roland Lehoux, je rappelle hein, votre collection Parallax et chez Bélial, deux titres. Les deux titres chez Parallax. C'est Comment parler à un alien, voilà, de Frédéric Landragin, et La science fait son cinéma, de Lehoucq et Jean-Sébastien Steyer. Exactement. Jean-Pierre Bibring, merci beaucoup. Merci Serge à vous. Lehmann, L'homme gribouillé, le roman graphique avec Frédéric Peters chez Delcourt aussi. Toutes vos anthologies, toute votre œuvre, dont on va mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Merci. On peut noter Retour sur l'horizon chez Donnel ou Folio SF en poche. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Tom Humdenstock, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Bulfranc, Céline Dozen, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Bruno Mourlan à la technique. Demain, la suite de notre semaine d'anticipation et de prospective, nous demanderons à quel moment notre cerveau pourra se connecter directement au réseau, quand pourrons-nous nous priver d'interface pour communiquer avec les machines. Bref, demain, à 16h, on entre dans la matrice jusqu'à preuve du contraire.